ces feux fonctionnent parfaitement bien. Ces feux connaissent un cycle normal, jaune clignotant, jaune, puis rouge. Normalement, la circulation devrait se faire dans le sens de la voiture rouge, mais elle doit laisser passer l'autre voiture, sans quoi elles ne pourront pas se croiser. Le panneau « Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse » n'a de raison d'être que lorsque les feux sont en panne. Réponse B.